tout dans vos oreilles. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées en ce mardi 1er février 2011. Bienvenue à la deuxième heure. Oui, bienvenue dans la deuxième heure. On va recevoir Émilie Gauthier tantôt pour parler de plein air avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » C'est ce qui s'en vient dans les prochaines minutes. Hein, François? Oui, mais pour l'instant? Mais pour l'instant, on s'en va en petit bloc musical et puis on reviendra après parler avec Émilie. Et plein de choses plein air, évidemment, parce que le plein air, ça la touche. Important. C'est très important. Quelle merveilleuse chanson pour se réveiller en ce 1er février, en ce mardi matin. François-Olivier Marchand ou Annie McDowell, comment on t'appelle dans le domaine? Moi, c'est Annie McDowell. Moi, c'est Bill. Bill Murray. Quel excellent jour de la marmotte. Maintenant, on reçoit Émilie Gauthier. Comme tous les mardis, voici sa collègue qui veut te sortir avec moi. Vous voyez bien qu'elle n'est pas là, Émilie. Salut, Émilie. Ça va, Émilie Gauthier, avec sa chronique plein air. Elle n'est même pas là, Émilie. Qu'est-ce que tu racontes? Émilie, salut, Émilie. Non. Émilie, elle a le droit de voix. C'est ma chronique, là, présentement. Ben, on est mardi 8h. Ça veut dire vite sur le moment. Non, mardi, c'était la session passée. C'était ma chronique, oui, le mardi de la session passée. Vous êtes absolument mêlés, les gars. Peu importe qui tu es, peux-tu nous parler de plein air? Où est-ce qu'on sort? Je veux sortir, aller me mettre les pieds dans la neige.

on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love. Life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, comme le dit notre annonceur si viril. Pour ceux qui sont mêlés depuis le début de l'émission, juste très petite parenthèse, je ne veux pas mêler personne, parce qu'on faisait référence au mardi 1er Mathieu, février. Mathieu, mêler quelqu'un, voyons. Ben, avec un concept de même, c'est un petit peu difficile de ne pas le faire, mais c'est une référence au Jour de la marmotte, Un jour sans fin, le film avec Bill Murray, où il répète la journée à tous les jours, tout le temps la même journée, encore et encore. Et là, c'est tout le temps Sonny and Cher qui joue en début de sa journée. D'où la référence d'avoir joué ça. Et ça m'amène à parler, ramenons le lien vers le sujet du moment. Dans le film Un jour sans fin, Bill Murray, à un moment donné, il revit tout le temps la même journée. Et là, ben, il désespère un peu, puis il se dit, tu sais, peut-être qu'une façon pour terminer ça, ce serait de me suicider dans le film. C'est vraiment la chose qu'il fait. Et puis, ça marche pas. Il se réveille à tous les jours. Parce que c'est le jour de la marmotte. Parce que c'est le jour de la marmotte, c'est l'idée du film. Et puis, ça nous amène à dire que le suicide, ben, c'est pas une option. Et la vie n'est pas un film. Non, c'est ça, exactement. Tu fais bien de le mentionner. D'ailleurs, on est en studio, Mme Renée Quévillon, excusez-moi la prononciation, j'ai la misère, qui est en fait coordonnatrice communautaire au Centre Prévention Suicide Les Deux Rives. Bon matin à vous. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merveilleux. Donc, malgré qu'on est le jour de la marmotte, ça va bien. Raison de plus pour aller bien. Donc, est-ce que vous voulez nous parler, en fait, c'est quoi le Centre Prévention Suicide Les Deux Rives? Ça sert à quoi? C'est là pourquoi? Bien, le Centre prévention suicide Les Deux Rives, c'est d'abord plusieurs services qui sont en place depuis près de 25 ans maintenant. On est dans notre 25e année. Le premier service qu'on offre, c'est évidemment la ligne d'intervention 24 heures sur 24. Okay. Cette ligne d'intervention-là s'adresse aux personnes suicidaires, aux personnes qui vont pas bien, mais aussi aux personnes de leur entourage qui pourraient se poser des questions, qui sont inquiets, qui ont besoin de support. Ça s'adresse aussi aux personnes qui vivent un deuil par suicide, parce que malheureusement, les personnes qui ont à vivre le deuil par suicide, c'est un impact qui est doublement plus grand. Parce que non seulement ils ont à faire le deuil de la personne qui est décédée, mais aussi à faire le deuil du suicide. Et c'est doublement difficile à ce moment-là. C'est qu'on ouvre la porte de le service à ces personnes-là au téléphone, mais aussi en face-à-face avec les personnes endeuillées par suicide. OK, parce que j'imagine que si un proche se suicide à côté de moi, mais premièrement, j'ai de la culpabilité. J'imagine qu'il vient avec parce que j'ai pas su décoder ses signes. Parce que des signes, j'imagine, il y en a dans la majorité des cas. C'est quoi les signes peut-être que les gens peuvent dire ou faire pour faire allumer leur entourage peut-être? Parce que des fois, peut-être qu'on en voit, mais vu qu'on ne sait pas, on n'est pas au courant. Là. C'est embêtant au niveau des signes, justement, parce que c'est tellement subtil. Tu sais, je vais donner un exemple. En dedans de nous, on a tous une partie qui souffre et une partie qui veut mourir. la partie qui veut, la partie qui veut mourir, la partie qui veut vivre. C'est toujours, toujours, toujours la partie qui veut vivre qui lance les messages de demande d'aide. Mais la partie qui souffre, elle, va saboter les messages de demande d'aide. Okay, okay. C'est pour ça que des fois, c'est plus subtil, c'est plus caché. Parfois même, on va avoir l'impression que la personne est menteuse. Il y a des personnes qui vont le dire directement. Mmh. Je veux mourir. Et les gens dans l'entourage vont dire, ben voyons donc, t'es pas sérieux. Et la partie qui souffre, elle, qui sabote les messages de demande d'aide, va dire, non, non, regarde, oublie ça, là. C'est pas vrai, là. T'sais, tu me connais, tu sais que je ferais pas ça. Mais la personne reste avec un malaise. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une inquiétude qui est là. Dans la majorité des cas des personnes qui se sont enlevées la vie, on dit que 90 % avaient manifesté clairement leur intention de s'enlever la vie avant de poser le geste. Par des mots. Par des mots. Donc, clairement qu'ils l'ont nommé. Mais est-ce que c'est acceptable pour moi de voir qu'il y a quelqu'un dans mon entourage que j'aime a mal à ce point-là? C'est inacceptable. Donc, le sentiment de dire, ben voyons, je le vois qu'il va mal, mais pas à ce point-là, pas lui, il me fera pas ça. Donc, le sentiment de culpabilité est d'autant plus grand. Mais comme c'est très subtil, c'est un morceau de casse-tête. Je donne un morceau de casse-tête à une personne, un autre morceau de casse-tête à l'autre personne, et là, j'ai juste un morceau de casse-tête. C'est difficile de me faire une image qui est très claire. Je peux voir que c'est vert. Mais quand il y a eu un geste, que ce soit une tentative ou un suicide complété, quand le geste est posé, les gens dans l'entourage se retrouvent. Et là, le constat qu'ils ont, c'est... Ah, il m'avait dit ça l'autre fois. Ah, ouais, mais... Oui, moi, il m'a dit ça, il a fait ça, il s'est passé telle chose. Ah, il nous l'a dit, puis on n'a rien fait. Et c'est là le sentiment de culpabilité. Parce que quand je suis capable de mettre tous mes morceaux de casse-tête ensemble, à ce moment-là, j'ai une image qui est beaucoup plus juste de la réalité. Sauf que c'est plus subtil que ça, là. Parce que c'est toujours, toujours, toujours la partie qui veut vivre qui lance les messages de demande d'aide, mais comme la partie qui souffre, dépendamment où la personne est rendue dans son processus, c'est difficile de demander de l'aide. Puis c'est pour ça que pour les personnes de l'entourage, les proches, les amis, les collègues de travail, de ne pas hésiter à téléphoner sur la ligne d'intervention. Mais c'est ça, les gens qui s'interrogent, exemple, on va prendre un exemple. Mathieu ici, il me parle un matin, moi, il me lâche en blague. Mais tu sais, en blague... Je t'écœuré, je suis plus capable, faut que ça finisse. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, en tant qu'ami, puis proche de Mathieu, puis moi, j'ai pas le goût de le voir passer à l'acte ou quoi que ce soit, je peux appeler au centre de prévention Les Deux Rives pour dire, excuse, parce que mon ami m'a envoyé un signe, mais je sais pas quoi faire. Ouais. Puis peut-être aussi qu'il est fermé un peu à m'en parler à moi aussi, pour diverses raisons. Hein. Donc, mais vous êtes là pour ça. On est là. On est là pour répondre aux questions des proches, justement, qui nous téléphonent. On est là aussi pour les guider. Comment est-ce que tu vas pouvoir lui demander à Mathieu à quel point il va pas bien? Comment aborder ça? Parce exact. Que c'est pas facile. Est-ce qu'il a dit qu'il était écœuré au point où il pense à mourir? Tu sais, des fois, on va dire ça, je suis écœuré, je suis plus capable, je suis tanné, il faut que ça arrête. Je suis fatigué. Est-ce que je suis nécessairement dans un processus suicidaire? Pas du tout. Oh oui. Si je suis dans un processus suicidaire et que je me fais poser la question, est-ce que tu as mal au point où tu penses à t'enlever la vie? Est-ce que tu as mal au point où tu penses au suicide? La première réaction de la personne, là, sur le coup, c'est comme, aïe aïe, il est capable de me demander si j'ai mal au point où je pense à mourir. Il est peut-être capable d'entendre ce qui fait mal à ce point-là. Et pour ça, sur la ligne d'intervention, c'est des intervenants d'expérience qui sont là. C'est le 1-866 appel, c'est 277-3553, c'est 24 heures sur 24. Les intervenants sont là pour guider. Advenant le cas que, par exemple, tu sois beaucoup trop mal à l'aise de parler à Mathieu parce que tu vis des choses difficiles dans ta vie, ça peut arriver. On est humain, il y a des hauts, il y a des bas dans notre vie. Nous, on a la possibilité de l'appeler Mathieu. Tu acceptes de t'identifier? C'est sûr, parce que vous, en fait, une fois que vous allez, mettons, un exemple... Excuse-moi, Mathieu. Là. Non, ça va, c'est sûr. Je me sens bien aujourd'hui, je ne le prends pas mal. Non, mais c'est ça, parce que ça prend une référence pour Mathieu pour dire « François-Olivier nous a appelé oui. pour... » Donc là, il va être plus réceptif, tandis que si... sinon... Ça se peut que sur le coup, il réagisse en disant « Mais pourquoi il vous a appelé, là? » Ouais. Nous, à ce moment-là, on va dire « C'est parce que peut-être parce qu'il s'inquiète pour toi. » Parce que peut-être que les propos que tu as tenus l'inquiètent. Ouais, ouais, ouais. Et là, à ce moment-là, on va aller plus loin avec Mathieu pour voir justement qu'est-ce qui se passe pour s'assurer qu'il ne pose pas de gestes. Parce que le thème de la Semaine nationale cette année, c'est « Le suicide n'est pas une option ». À chaque année, on entend encore des gens qui disent « Ben oui, mais tu sais, si c'est tué, c'est bien tes affaires ». Ben non, parce que ça a des répercussions justement. Partout ailleurs. Exact. Ça laisse des traces. ça laisse des personnes dans l'entourage qui sont souffrantes. Et une personne qui va bien dans sa vie est capable de voir qu'il y a des options. Mais une personne qui est rendue au point de vouloir s'enlever la vie tellement la souffrance a pris toute la place, elle n'a plus de solution. Pour elle, la seule issue qu'elle voit, c'est le suicide, alors qu'on sait très bien que tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Il ne faut jamais baisser les bras. Tant qu'il y a de la vie, il y a toujours quelque chose à faire. Autre que de mettre sa vie en danger. Tout le temps. Ouais. Et donc, le suicide n'est pas une option, c'est de choisir de dire que nous, on veut que le suicide sorte de nos maisons. On ne veut plus qu'il y ait sur le territoire, par exemple, du Centre de prévention suicide, la Mauricie-Centre du Québec, il y a 94 personnes qui se sont enlevées la vie selon les données provisoires du coroner. Celles qui nous viennent de l'Institut national de santé publique. 94 personnes se sont enlevées la juste vie. Juste en Mauricie, là. Mauricie-Centre du Québec. On couvre les deux régions. Depuis combien de temps, pendant ça? La nuit. 94? En 2009. Okay. C'est les données en 2009 qu'on a. Donc, c'est les données provisoires. Il y a des données qui sont à venir encore. Les conclusions du coroner ne sont pas encore arrivées. Sur ces 94 personnes-là, on sait qu'il y a des jeunes, on sait qu'il y a des adultes, on sait qu'il y a des aînés. C'est ça, ça touche tout le monde? Tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Il y a des groupes d'âge qui en ont plus, entre autres chez les 35 à 49 ans. Ah ouais? Particulièrement chez les hommes. OK, j'aurais jamais pensé ça. J'aurais pensé peut-être les plus jeunes ou voire même les plus les aînés. Ben, dans le sens que la vie nous apporte plus rien, c'est ce qu'on pense. Puis quand t'es plus jeune, tu le réalises pas qu'il y a des répercussions, que tu reviendras pas. T'sais, c'est pas un jeu vidéo, là. C'est ça. Non, exactement. Ça. Et on voit pas la finalité, justement, de la mort. Mm-hmm, quand on est très jeune, ce qui arrive, là, pour le jeune, on dit, on pense qu'il y en a plus parce que si on entend plus parler. C'est clair qu'un jeune qui s'enlève la vie, c'est un jeune de trop qui s'est enlevé la vie. Mm-hmm. Mais ben, une personne, un aîné aussi. Là. Oui, mais chez les jeunes, il va y avoir vraiment une grosse vague. C'est donc de valeur à l'âge qu'il y avait. C'est ça qu'on va entendre. Puis toute l'école est au courant. Ils mettent des services de psychologue, ces trucs-là. Tandis que pour des personnes peut-être un peu plus solitaires, ça passe un peu plus inaperçu. Tu as nommé les services de psychologie dans les écoles. On a la chance, sur le territoire du Centre de prévention suicide Les Deux-Rives, la majorité des écoles secondaires ont un comité de postvention. Les services qu'on offre, je l'ai dit tantôt au niveau de la ligne d'intervention, mais on fait de la promotion, donc la promotion d'une bonne santé mentale. On fait de la prévention. On va offrir des outils justement pour prévenir le suicide. On va intervenir directement avec des personnes qui vivent la problématique suicidaire ou avec les endeuillés par suicide. Et on va faire de la postvention. La postvention, c'est après un suicide. Pour éviter que d'autres personnes vulnérables imite ce comportement-là, parce que c'est pas héréditaire. Sauf que c'est un comportement qui s'apprend. Je viens de connaître quelqu'un qui s'est enlevé la vie, ça met le suicide dans mon coffre à outils. Et si je veux éviter d'utiliser cet outil-là pour régler mes problèmes, j'ai avantage à trouver d'autres solutions et à développer d'autres outils. Quand je parle des comités de postvention, c'est de l'intervention précoce qui est faite. Quand, par exemple, une personne dans une école va s'enlever la vie, on va rapidement rencontrer les gens vulnérables. Ses amis proches. Les amis proches, les amis, même les personnes peut-être qui auraient été plus les bourreaux. Il ne faut pas les oublier. Si l'enfant, le jeune était victime de taxage, bien, c'est important là, d'aller aider les autres aussi parce qu'eux aussi vont sentir cette part de responsabilité-là dans le geste. J'imagine que ça doit être un peu plus dur à aider les bourreaux parce que... Non, mais je sais pas, parce que moi, exemple, là, je vais lâcher Mathieu, mon frère, OK, exemple, là, c'est pas vrai, là. Mais mettons qu'il y a eu lieu du taxage, ce truc-là. Et puis, je sais, tu sais, en étant, mettons, son frère, je sais que ceux-là, c'était les bourreaux. Mais moi, en tout cas, réaction humaine, je pense, à la limite, j'aurais le goût de leur arracher la tête. C'est pour ça que ça prend des intervenants formés pour les aider, parce qu'ils sont en besoin. Parce que je pense pas que quelqu'un qui fasse du taxage ou aille bien, tout simplement. Peut-être qu'il y a d'autres problématiques dans sa vie qui l'amènent à avoir ces comportements-là. Donc, il y a déjà besoin de soutien. L'avantage qu'on a sur les territoires, c'est que ça fait des années que les comités de postvention sont à jour, qui s'assurent que tous leurs membres soient à jour dans leur formation pour être à la fine pointe de l'intervention. Donc, l'intervention se fait précocement. Quand on parle des jeunes, Les jeunes de 15 à 19 ans, depuis une dizaine d'années, le taux de suicide a baissé de 66 %. OK, c'est beaucoup. Donc, il y a 2/3 moins de suicides dans cette tranche d'âge-là chez les 15 à 19 ans, par exemple. Pourquoi? On pense que parce que, justement, les interventions sont précoces, parce que les intervenants sont formés à repérer les signes de détresse, puis à les rapidement... Vous êtes présents aussi? Oui, nous, on est là en support beaucoup aux équipes de post-mention. Mais pour les jeunes, ça fait des années qu'on forme les intervenants, les profs. C'est quoi les signes qu'un jeune peut manifester s'il va pas bien? Comme les adultes, il va avoir des nuances, mais les principaux signes, c'est au niveau verbaux, les messages verbaux. La personne va le dire directement. « Je veux une suite, je t'écœuré, je ne suis plus capable. Vous allez vous débarrasser de moi. » Ça, c'est un petit peu plus flou. Tu sais, je vais partir pour un long voyage, mais elle le nomme. Donc, les messages verbaux sont un des signes. Même si c'est en blague. Oui, mais des fois, ça peut être... Je fais une joke pour voir... Non, mais c'est ça, parce que c'est mon seul moyen de le communiquer. Moi, ça passe... tu sais, en fait, chacun communique à sa façon aussi. Là. Oui. Donc, quelqu'un peut dire ça en blague, mais... Exactement. C'est pas une blague, là. Et puis, je pense pas que ça fasse rire les jeunes non plus, là. Et quand, justement, on peut faire une partie d'éducation avec les jeunes, l'impact de leurs mots... Faut jamais minimiser l'impact de ce qu'on dit. Puis, vous le savez, vous êtes toutes les deux en communication au niveau de la radio... On ne peut pas dire n'importe quoi. Non, non. Donc, il faut se conscientiser aussi comme être humain à dire il y a des conséquences à ce que je vais dire à quelqu'un. C'est le fun quand c'est des conséquences positives, mais il peut y avoir des conséquences négatives. Si je lance ça en blague, justement, le jour où c'est vrai, puis tout le monde a l'habitude de rire de mes blagues, bien, il n'y a pas personne qui va me prendre au sérieux. Mais le jour où quelqu'un m'arrête puis dit « Hey, t'es-tu en train de dire que tu penses à mourir? » Ben non, voyons, je dis ça de même, là, c'est une joke. Ben, c'est parce que ça se fait pas des jokes là-dessus. Parce que le jour où ça va être vrai, il y a personne qui va te croire. C'est sûr que la première réaction des jeunes, c'est « Ben là, c'est correct, là. » Mais c'est ça, exact. Ben voyons, c'est pas si pire que ça. Hey, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est un peu la réaction, mais en même temps, ça fait son chemin. Parce que des fois, je rencontre des jeunes que j'ai vus plusieurs années après, puis ils me disent... Ça m'a tellement marqué, ça, quand tu m'as dit ça. Puis il dit, quand j'entendais mes chums dire ça, je disais, ben là, je leur dis-tu, je leur dis pas. Oui, dis-leur. Ben oui, ben oui. Exact. Fait que c'est important de savoir c'est quoi les signes, messages verbaux, ça, c'en est. Au niveau comportemental, c'en est une autre panoplie de signes qu'on peut avoir. Celui qu'on va remarquer le plus, c'est souvent les gens aussi qui vont remarquer le plus s'il y a un geste suicidaire qui est posé, c'est changement de comportement, tout simplement. Du jour au lendemain. La personne n'est plus pareille. La personne était très, très, très extravertie. Elle allait vers le monde, elle parlait à tout le monde, ça allait super bien. Puis là, tout à coup, sans raison apparente, elle se ferme comme une huître, elle parle pas, elle bougonne. Mais est-ce que l'inverse est aussi vrai? Quelqu'un qui est beaucoup introverti, j'imagine, quelqu'un qui a de la misère, des fois, peut-être à se faire des amis, ces trucs-là, qui est un peu plus dans son coin, peut-être que c'est un peu plus dur à voir, dans le sens que, tu sais, elle communique moins, peut-être. Mais elle serait du genre à devenir très extravertie du jour au lendemain. Ou elle pourrait se mettre à parler fort devant tout le monde en attirant l'attention et pourtant ça y ressemble pas. Donc, quand on parle d'un changement de comportement puis que ça correspond vraiment à quelque chose qui est inattendu pour la personne, on devrait vraiment avoir une grosse cloche qui sonne pour dire « Oupala, il y a quelque chose qui se passe, il faut aller vérifier. » Changement de comportement aussi, on va aller vérifier les sauts d'humeur. Elle se met à rire, elle pleure, elle n'a pas bu... Ça arrive des fois, hein? Il y en a qui ont le vin joyeux, il y en a qui ont le vin triste. Mais là, la personne n'est pas intoxiquée, elle n'est pas en consommation. Et il y a une labilité au niveau émotif qui est là. Elle passe de rire aux larmes sans raison. Des fois, dans la période de stress, ça peut arriver. En fin de session, on le sait, c'est plus difficile. Fatigué, là. Je t'écœurerai, j'en viendrai pas à bout. Hein, si je suis plus capable. Et pourtant, la session arrive, la fin de session arrive, on fait comme... J'aurais jamais pensé. Mais c'est important d'aller vérifier quand même. Puis quand je disais des fois tantôt, en période d'examen, combien de personnes ont entendu « Gars, je serai jamais capable, je vais me tuer. Je serai jamais capable. » On l'a tellement entendu qu'on perd cette sensibilité-là à dire « Hé, c'est peut-être vrai, mais il y en a qui le font quand même. » Il y a même des gens, moi en tout cas, j'ai vu, ça fait 13 ans que je fais de la prévention suicide, j'ai vu un jeune garçon qui s'est suicidé après la période d'examen. Ah ouais, une fois que c'est terminé. Le stress avait été tellement intense, mais tout le long de la période d'examen, il en avait parlé de ça. On regarde là. Hein? Oui, ça va vite. C'est très intéressant. D'ailleurs, c'est la semaine nationale pour la prévention du suicide. Cette semaine, vous aviez des activités, je crois, lundi et mardi. Ça, c'est des activités... en fait, vous êtes présents à différents lieux. C'est bien ça? Bien, entre autres, pour ce qui est des vigiles le soir qu'on a fait, il y en a eu une à Nicolette le lundi et il y en a eu une hier soir au Parc Champlain. Toutes les personnes qui sont touchées par le deuil, par suicide de quelqu'un de leur entourage ou qui veulent supporter quelqu'un, se présentaient. C'est vraiment un moment où on prend le temps à la chandelle. C'est le soir, c'est froid, hein? Ça prend des courageux pour se déplacer. Mais les gens viennent, c'est un moment de recueillement. Oh, ouais. Puis c'est aussi de partager, sans nécessairement nommer toute leur histoire, tout raconter leur histoire, mais de savoir que la personne qui est à côté de toi a vécu la perte d'un être qu'elle aimait par suicide. Donc, il y a cette identification-là qui fait comme... Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Parce que la personne qui vit son deuil, elle vit tout seul. Parce qu'il n'y a pas de pire deuil que le sien. Ouais. Et ça, c'est pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Et souvent, ce qui est le plus difficile, c'est que le meilleur moyen de traverser un deuil, c'est de se donner le droit de le vivre. Malheureusement, les personnes qui vivent un deuil par suicide, parce que c'est encore tabou, vont s'isoler, se sentent responsables du geste, donc ça va être plus difficile pour eux d'entrer en contact avec les gens. Ils ne voudront pas nécessairement le dire que leur fils ou leur fille s'est suicidé ou que leur conjoint ou que leur conjointe s'est suicidé, mais c'est important de ne pas rester seul. Mmh. C'est important d'en parler. On offre les services aux personnes endeuillées par suicide aussi en face à face. Donc, c'est pas juste au téléphone. Il y a la possibilité d'avoir des rencontres et comme on est objectif, on ne connaît pas la personne, c'est plus facile parce que par exemple, dans une famille, est-ce que je vais parler de mon enfant qui s'est suicidé à mon conjoint si c'est une journée que je pleure puis lui, il a envie de plus d'être en Moses après? Ouais. Aller en parler à quelqu'un qui est neutre, ça va faire toute la différence. Puis on n'est pas là quelqu'un d'externe aussi. Exact, qui est là plus objectivement, plus neutre. Donc, ça facilite le suivi. Merveilleux. Hey, désolé, je pense qu'il faut vraiment s'arrêter. On rappelle le numéro de téléphone, par exemple, qui est très important, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le 1-866-APPEL ou le 277, 1-866-277-3553. Merci, madame. C'est vraiment très important d'en parler, je pense. C'est important d'aller chercher de l'aide dès qu'on ressent le besoin. Exact. Merci beaucoup. On va se quitter avec l'artiste David Goudreau qui travaille avec vous, qui a fait une chanson, en fond, pour vous et puis cette semaine-là. Voici donc Meurtre de soi, 89 FM, cet assemblage requis. Merci à l'époque, ils furent damnés. Puis abandonnés. Tu veux des données? OK. Je vais t'en donner. Tentative au 3, suicide complété aux 40 secondes. Près d'un million par année dans le monde. Est-ce que ça heurte? Dis-toi qu'il y a plus de suicidés que de victimes de meurtres, la guerre et d'attentats terroristes réunis. Boche, c'est triste et c'est con, mais ça risque de rester de même l'ami. C'est un problème qui se traite à prévention, pis ça, ça rapporte pas aux élections. Fait qu'on restera dans la file au prochain défilé des millions. Et au Québec encore cette année, au moins un millier de drames. Avec des moyens infimes, je sais que c'est infâme de même penser en faire une rime. Mais tu toques avec la flamme, y'en a plein qui s'arriment, qui s'affairent à nourrir ton âme, qui s'affirme avec l'espoir. C'est la vie qui s'affirme, pas question qu'on se la ferme ou qu'on valide ton suicide. Dans un bain de suie et de cidre, l'esprit plein de scie est trop tard. L'existence perçue comme un grand avatar, celui qui écrit qu'est belle la vie, ben y'avait tort. Toi, t'as tellement mal que tu penses juste à te faire la malle. L'enfer ou le nord, tu t'en fous. Y'a plus rien de normal, tout est flou. T'as la détresse, all dress, stress, angoisse, tristesse. Le tout bien assorti d'un verre, une pilule ou une pulsion de trop. Tu cherches juste une sortie. Si c'est rouge qui voit le taureau, ben toi, tu vois noir en hostile. Isolé, désolé, aigri. L'espérance a maigri. Tu crois plus aux comprimés prescrits, ni aux gris-gris. Y'a plus rien de grisant, plus rien d'acquis. Tu veux donner raison aux médisants. C'est ta dernière saison. T'es fini. Épuisé. Après tempête et orage, c'est clair. entre la peine et la rage, tu pourrais partir vite comme l'éclair. Pour toi, c'est plutôt tentant de sortir du trou en entrant dedans. Celui sans fond, déjà tes proches s'en font. Alors après, quoi? Il s'effondre et après toi, la terre reste ronde. Mais tu passes ton tour, plus de larmes, mais plus d'amour. Plus de lave, plus de malaise, mais plus de sourire. Plus de vent, plus de braise. En crise, souvent, les sens nous mentent. Et chaque seconde pèse lourd sur l'horaire. Rappelle-toi que le suicide est une issue permanente à des problèmes pouvant être temporaires. T'en penses ce que tu veux, tu peux même en rire. Mais si t'en es là, je sais que tu veux pas mourir. Je sais, c'est de souffrir, alors appelle, on est là. Et pour une opération cœur ouvert, faut commencer par s'ouvrir. Même si c'est le plus dur à faire, tu vaux la peine. 1-866 appelle. Hey, appelle. Le slammer cherbourquois David Goudreau avec sa pièce en hommage, si on veut, au suicide. Oui, qui dit d'appeler. 1-866 appel. Le mot hommage n'est pas tellement approprié ici. Vous êtes à Assemblage Requis, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On va se retrouver demain matin à partir de 7h avec une autre toute nouvelle édition. Et celle-là, une édition normale et sans explication nécessaire. Non, pas préfabriquée. C'est ça. Ben, pour ceux qui n'ont pas compris le concept de l'émission d'aujourd'hui et pour ceux qui n'étaient pas là pour l'émission, c'est même pas grave. Allez voir sur assemblagerequis.com, il y a toutes les informations et les explications exhaustives et un petit peu trop précises d'ailleurs sur le concept de notre émission d'aujourd'hui. Demain, ce sera une édition normale à 7h. Avec Simon Fitzbé, François Landry. Oui. Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Exactement, le combo. Mélange de Sodom et Alexandre. Faites une soupe avec ça, le nouveau McBiscuit, là, un petit sandwich. McBiscuit chez McDo, le sandwich à déjeuner, mais avec un petit pain un peu comme chez Tim à la place. Ah, ouais, je sais pas. Ben, c'est tout à fait ça. On se quitte, et puis, en fait, on a encore du temps un petit peu pour parler. François Landry, demain, va être là pour Logocratie 101, sa chronique politique. Oui. Simon Fitzbé, lui, c'est sa chronique phénomène sur un autre artiste qui a forgé, si on veut, l'histoire du rock. Mm-hmm. Parfait. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une chronique, c'est un fait, bien sûr, demain. Est-ce que je m'avance si je te dis que Simon Fitzbé voulait peut-être parler de Rolling Stones pendant tout le mois de février et avait abordé peut-être... L'idée de peut-être. En tout cas, faut être là demain pour le savoir. Ben exactement. Mais c'est une bonne raison d'être là demain et chaque journée possède sa raison d'écouter l'émission du lendemain, je pense. Tout à fait. Allons voir sur C'est Fou qu'est-ce qu'il y a dans la programmation d'aujourd'hui. C'est très facile sur C'est Fou.ca de cliquer sur le mot programmation. Hein, c'est simple de même. mercredi, on a le voyage insolite tout à l'heure à 9h en rappel. Après ça, il y a l'heure internationale qui commence à 10h avec Alexandre Gauthier et ses chroniqueurs. Ça va être très intéressant. Oui, et Tour d'Afrique. Ça, c'est demain, jeudi. Ça. Ah, demain? Oui. Demain. Ah, OK, tu parles d'aujourd'hui. Oui. Hey, je suis mêlé. Depuis le début de l'émission, on faisait semblant d'être mardi pour le jour de la marmotte. Je suis mêlé. Ça a mêlé, François. Ouais. À 11h, c'est le dîner de cons avec Danny Janvier. Évidemment, pour information, musique et divertissement, c'est pas mal la place pour ça. C'est certainement pas Assemblage Requis. À 13h, c'est une dose d'estrogène, l'émission culturelle qui vous propose des sorties et des parties. Très bonne émission. Oui. Bon contenu musical. Ben moi, je la trouve magnifique, cette émission-là. Suivi donc Marie-Michel Caron, Stéphanie Majobourque et Émilie Toussaint à partir de 13h. Après ça, on a du rap pour une bonne partie de la journée et même de la soirée. Mets-toi bien à 15h, rap contact. Bebop Rap Contact à 17h. Et puis, bonne face. On n'est pas capable de le faire. On est juste Rap Contact is bad. À 19h, c'est bonne face. Et nouvelle heure pour Psy-TR, ça commence maintenant à 21h. Psy-TR avec du Psy-Trans, soyez-y. 21h, 9 o'clock p.m. Voilà. les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. On a assez parlé, niaisé. Encore une fois, téléchargez la balado-diffusion de l'émission d'aujourd'hui pour comprendre. Et celle d'hier aussi, je pense que vous allez devoir l'écouter elle aussi. Merci, Matt. Merci à toi, François. Passe une belle journée. Vous aussi. Bon, bye. C'est une des chansons film Un jour sans fin avec Bill Murray. Hommage. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.